Dans 1 Timothée chapitre 6e. Il y a encore une alerte qui nous est faite. 1 Timothée 6 verset 3. À 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et suivez, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de s'attacher aux seules paroles du Seigneur, oui, au-delà des paroles du Seigneur, il enseigne de fausses doctrines. Comme l'obligation de laver les mains avant de manger. Comme la dérogation de ne pas honorer son père et sa mère. Quand ils sont devenus vieux. Ou si nous pensons que ce qu'on devait leur donner, Mais Dieu vous dit, sortez du milieu de vous. Ne continuez pas à suivre ces aveugles-là. Sinon, vous tomberez tous dans la fosse. Attachons-nous aux véritables paroles du Seigneur. Nous avons le devoir de vérifier, est-ce que c'est ce que le Seigneur a béni? Est-ce là la pure parole du Seigneur? Est-ce que le commandement était-il formulé exactement comme cela? Mais si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Et les orgueillers sont des maudits. L'orgueil est une malédiction. L'humilité est une source de bénédiction. Donc les pharisiens étaient des orgueilleux. Ils étaient des orgueilleux. Pour aller soulever des exceptions et établir des exceptions là où l'auteur de la loi n'en avait pas fait. Oh, t'as ces pharisiens modèles. Oh, tu es tenu de le faire, mais en cas de, tu peux. Donc, la question de la lobby, n'a mon incapacité. Après, si autorisation, que nous violer le banazambi. Quel genre de serviteur de Dieu? Alors que la Bible dit, il est logé, les lèvres du sacrificateur doivent garder, car c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la volonté. Parce que ceux qui sont dans les besoins, ils veulent faire la volonté de Dieu. Ils veulent hériter le royaume. Ils veulent être sauvés. Ils veulent avoir la paix. Obtenir le pardon. Ils iront auprès des scribes. Demandez non pas ces opinions. Qu'est-ce qu'il en parle? Ils devraient demander C'est une fausse pratique. Demandez-moi, qu'est-ce dit la parole? Que vous donnez la parole? C'est à sa bouche. Celui-là qui était un envoyé de l'Éternel. C'est à sa bouche. Demandez la loi. Amen. Vous êtes d'accord? Ton symbole, Annie? Et vous avez sauté, hein? Parce que moi, ça me dérange. Je dois vous l'avouer. On répond par courtoisie. Mais quand un enfant de Dieu me pose dans la question, ça me met dans l'embarras. Qu'ai-je à donner mon opinion, moi, finalement? Est-ce que nous sommes à donner nos opinions? Qu'est-ce que j'en pense, moi? Est-ce que nous sommes rassemblés pour ça? Faites attention! Qu'on demande la loi. Malachi 2, verset 6. Malachia, Mokapani Bale, Moronga Motoba. C'est cela, n'est-ce pas? Oui. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la firme. La connaissance. Car c'est à sa bouche qu'on demande la loi. La parole. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'est ça, le bénin. Dites-nous ce que le Seigneur a dit. C'est ça dont toi tu as besoin. Nous ne sommes pas un folklore. Ni ma bina moko boe. Ni un club de 17 heures. Pour sanga ya batu wazali ko. Club de 17 heures. Oui, ya bavengi 17 heures. Loin de là. Bongo te. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Pour le te, j'en zami na bongo. Bongo et l'appui de la vérité. Et ça me le fait sang de la solo. Comme a dit le Seigneur dans Jean chapitre 17. Mokola kola lona yoane, moka pasambo. C'est lui qui croit à moi. Ya zali koni bilangai. Comme dit, j'ai l'exécuté. Le kola na koni malobi. Des fleuves d'eau vive couleront de son. Aziba, y a bon, notre foi doit être selon les Écritures. Et le Prophète Branham dit, la foi a pour lieu de répondre. La parole éternelle de Dieu. Ta foi ne peut pas se reposer sur les opinions de quelqu'un. Mais ma soeur pense comme ceci. Mais ça c'est aléatoire. Le pasteur coup de chapeau. Mais nous sommes rassemblés pour la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du pasteur. De l'opinion du prophète. Mais c'est la parole de Christ. La base de la foi, c'est ça. Nous sommes ministres de la parole. Et non pas ministres de nous-mêmes. Ministres de la parole. Et Paul a dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Il est la parole. Changer de langage. Changer de comportement. Changer de manière. Le royaume de Dieu est proche. Nous devons davantage être trouvés dans la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu. Et le fossa. Que tu sois délivré de toute confusion. De toute légèreté. Sois délivré de cela. J'achève la lecture de 1 Timothée 6. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Et il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Regardez ce genre d'individus qui ont les opinions et qui s'enrichissent en cela. Ils sont privés de vérité. Bango bazangi solo penza. Soko mo se nourrissent des opinions des uns des autres. Bazale komele isala makanisa moko na mosusu. Lisa lingala. Soko mo tonami akola kifa na nzela mosusu mpe akokoya malakona sembo na nkolo na biso Yesu Kristo. Pe Mateo masangani na makambo na Nzambi. Yohana asili kubimba na lolendo. Ayebi likambo te kasi abeli moto pona tembe pe kuwela na tina na maloba. utana makambo yango ikokota ma zuya pe kaka pe kotuka pe tembe mabe pe kokwela na kati na bato babebi na makanisi mpe bazangi makambo na solo baolo bazangi ete makambo na nzambe majali nzela na kozwaka litonga tous ces mélanges connaissant la parole de la même manière oui, à la loba, la lolenge, moko, koko, wana. Dans les sermons, dans l'exposé de Céphase de l'église, à partir l'âge de l'église de Céphase, à la page 88, na tuku, mwambi, na mwambi, déjà le premier paragraphe de cela. Wana, jela kotanga yambure, yango kutu. Il est fait lecture de Apocalypse 2, verset 4. Batankuna, yamon, yfélimi, bale, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Frère Branham dit ceci. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'esprit ne parle pas seulement au saint originel d'Éphèse. Mais son message s'adresse à l'âge tout entier. Qui a duré environ 120 ans. Ainsi, Bongo, son message est destiné à toutes les générations Bongo. Incluses dans cette période. L'histoire se répète toujours. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un ravin. Et puis dans la génération suivante, le feu diminue. Dans la troisième génération, il peut rester quelques braises encore voyantes. Mais dans la quatrième génération, il peut bien ne plus rien rester de la flamme originelle. Alors Dieu rallume le feu. Et le même processus recommence. C'est tout simplement la manifestation de ce que Dieu n'a pas de petits enfants. Chaque fois, le réveil dépend immédiatement de lui. On ne doit pas nous dire, lui, comme il a été avec les prophètes, c'est que c'est lui qui garde la flamme. C'est faux. Le maître d'ouvrage, c'est Dieu lui-même. Il traite avec nous parmi les nations individuellement. Et Dieu n'est pas un grand père et il y a des petits. Il enseigne la nouvelle naissance. Tous ceux qui veulent l'écouter, chacun doit naître de nous. Et expérimenter les réalités infaillibles de Dieu vivant. Chacun doit le faire. Vous voyez, c'est tout simplement la manifestation de ce que Dieu n'a pas de petits enfants. Le salut n'est pas transmis par la naissance naturelle. Pas plus que la succession apostolique n'existe. Ça, ce n'est pas la parole. Quand on dit, comme ton père était sauvé et que tu as suivi son éducation, donc toi aussi tu seras sauvé. On ne peut pas exempter quelqu'un de l'obligation de nouvelle naissance. Les enfants d'un diacre le plus pieux. L'enfant d'un prédicateur puissant. Célèbre réputé. Tout ça doit être de nouveau. Ne venez pas déformer la vérité de l'évangile. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé toi et ta famille. Pour baser le salut sur une appartenance familiale. Pour la famille, la religion, tu pratiques. Vous n'êtes pas sauvé en tant que famille. Mais si le bas est quelqu'un appartenant. Le salut de Dieu est individuel. Qu'il le veuille ou non, c'est l'exact vérité. Dieu n'a pas de petits enfants. Et la succession apostolique n'existe pas. On commence à travailler beaucoup avec un apôtre, et l'apôtre est mort, donc lui doit être côté l'apôtre. Ce n'est pas comme ça. Il est écrit que Dieu a établi dans l'église. Premièrement, les apôtres. C'est Dieu par préscience. Il établit les apôtres. Il n'existe pas de succession apostolique. Une telle croyance, vous la trouvez dans une église dite catholique romaine. Où il parle du successeur de l'apôtre Pierre. Avez-vous déjà entendu ça? Le successeur de l'apôtre Pierre. Et ils lui ont donné le nom de pape, alors que Pierre n'a jamais porté le nom de pape. Et pour se consoler eux-mêmes, ils disent que Pierre était le premier pape. Alors que la Bible ne reconnaît pas les titres de pape. Pierre n'a jamais été pape. Il ne s'est jamais présenté comme pape. Nous l'avons lu au courant de la semaine. Il s'est présenté comme qui? Apôtre, serviteur de Jésus. Il n'y a pas de place pour pape Pierre. La succession des papes a commencé, si ma mémoire est bonne, en 366. C'était après le concile de Nicée de 366. Voyez. Bomoni, au 4e siècle. Et tous les papes là-bas ont leur trône à Rome. La papa Loma. Dans la cité dite Vatican. Kuna na mboka wa Bengi Vatican. Partie de la ville de Rome. Mais Pierre n'a jamais été à Rome. Aucun voyage missionnaire là-bas. Maintenant, en tant que premier pape, quand est-ce qu'il est allé siéger? Ce sont des mensonges, des traditions, qui continuent à nous tourmenter comme ça. Les parisiens sont morts, les autres dénominations viennent encore après les traces. Pour le successeur au trône du pape. Et là-bas, pour honorer ça, ils ont construit une grosse statue qu'on appelle la basilique Saint-Pierre. Le gros doit comme c'est d'un Goliath. Et les gens viennent là régulièrement baiser la statue. De venir baiser sa statue. On voit la statue de Pierre. On dit Saint-Pierre. Parce que même Roger un peu. Ils étaient obligés de renouveler un peu ça. Voyez toute cette tradition là. C'est contraire à la parole. Ne vous rassemblez jamais autour de ça. Gardons les pires paroles originales. La vie à la vie. La vie éternelle. La vie à la sainteté de Dieu. Nous poursuivons. Et dit, le salut n'est pas transmis par la naissance naturelle. Loin de là. Pas plus que la succession apostolique. Si Branham était un apôtre, il n'a pas de successeur. Parce que la succession apostolique n'existe pas. Qui aimerait dire amen encore? La vérité doit rester la vérité. Tous ces gens envoûtés par des démons qui continuent à le tourmenter. Non, Dieu nous tourmentera dans ce secret. Laissez les enfants vivre tranquilles. Successeur de Frère Branham, successeur de Branham. C'est quoi cette histoire? La succession apostolique n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas lieu de croire. Il faut reconnaître cela. Ce sont des théories démoniaques. Ils sont des croyants. Sortez du milieu d'eux. Sortez, je vous dis. Arrêtez de vous fuir. Il faut reconnaître cela. Il y a un type là qui est un circoncis qui est venu prendre le sang. Dans l'assemblée, Dieu te dit maintenant. Il est une joie d'assemblée de message. Et puis il prend le micro. Il dit voici un tel. Il est le successeur de William Maron. Maron Branham. Il ne sait même pas prononcer les noms correctement. Les noms. Il est successeur de William Maron. Et puis il répète, le successeur de William Maron. Maron. Il massacre même les noms. Le mensonge est devenu scandaleux. Le public. Arrêtez de tromper les enfants de Dieu. Amen. La succession apostolique n'existe pas. Auprès de Dieu, il n'y a que des commissions originales. Une mission authentique. Chacun fait ce que Dieu lui a ordonné de faire. Oh, c'est moi le dépositaire de la continuité. Toi, un mortel. Depuis quand dépositaire de la continuité. Vous allez le couper. C'est pour la la continuité de l'œuvre de Dieu. C'est ça qui est personnel de Dieu. Amen. On va quand ensemble, car il ne meurt pas. Amen. Quand tous les humains failliront. Quand les corps vieilliront et faibliront. Quand les corps vieilliront et faibliront. Lui ne se fatigue pas. Et sa force ne se brise jamais. C'est lui qui donne d'ailleurs la force à ceux qui sont battus. Et ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur vie. Il est le garant, le seul garant de la continuité. Même la continuité est devenue des débats dans les églises. Continuité. Vous voulez mener mon église qui? Mais c'est Dieu qui tient la continuité. C'est son œuvre du salut. C'est lui qui sauve, c'est lui qui sait qui est précieux. Les bêtises, ça énerve à un moment. Nous avons des bêtises des églises. Et les gens font des débats, quoi, des débats. Nous avons des bêtises des églises. Nous avons des bêtises des églises. Vous les Congolais, les Zaïrois, wengetisez même l'évangile. Hein? Tel est leader. Yenda Legui. Wengetisation du message. Les Congolais. Congolais. Hein? Les cons. C'est des cons. Congolais. Wengetisant même le message de Frère Branham. Honte à vous! Mais on doit le dire, toi tu dois dire amen. Amen. Et c'est ce qu'on a compris à Batouane. Batouane est un peu comme Batouane, on a compris. On a compris. Arrêtez ce comportement. Vous identifiez à la parole. Ce n'est pas ça les paroles. Elle sort, toi donne ta position. Nous sommes témoins et nous serons contre ça. Si nous resterons une minorité, nous défendrons ce qui est juste. On n'a pas besoin de ça. Nous allons manger nos biscuits plats. Nous sommes clairement positionnés. Nous sommes pas ni mou, pas ni hier. Va-t-il d'ailleurs? Espion. Vous comme espion dans l'église. Comme ça, je suis tabernacle. Mais il y a des gens qui sont venus ici. Mais pourquoi je suis ici? Ah! Des démons qui veulent nous tourmenter tout le temps. Ils veulent pas nous laisser ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ok. Inutile quand il est sur une montagne. Les yeux sont toujours là. Pour confirmer donc que nous sommes positionnés plus haut. Vous allez conduire des photos fandini colo. Bien que vous nous minimisez. Attends, vous allez mais vos attitudes démontrent que vous ne saurez pas nous ignorer. Louange à Jésus-Christ. Amen. Ouais. Et toi, Bethléem, la petite Votre Dieu vous aime. Il veut vous donner le royaume. Tout le reste, c'est du blabla. Oui, si vous êtes fidèle à celui qui nous a appris. Nous lui offrirons nos cœurs avec joie. Nous l'adorerons avec sincérité. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne prétendons pas être infaillibles. Nous aimons la vérité de Jésus. Il est le seul Dieu véritable. Le salut n'est pas transmis par la naissance naturelle. Pas plus que la succession apostolique n'existe. Ce n'est pas la parole. Au début, il y a des vrais croyants nés de nouveau. Mais quand la génération suivante arrive, ils ne sont plus des pires chrétiens. Ils ne sont plus un nom de dénomination. Et maintenant, ils sont baptistes. Méthodistes. Etc. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils sont. Ils ne sont pas des chrétiens. Des baptistes. Des méthodistes. Pour être sauvés, il faut être né par la volonté de Dieu. Et non pas par la volonté des hommes. Qui enseigne les traditions des hommes et les préceptes qui ne sont que des commandements et des conceptions qu'ils balancent autour des rôles et qu'ils ne sont que des idées d'hommes. Sortez du milieu d'eux. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas parmi eux qui soient en ordre avec Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne dis absolument pas cela. Mais ce que c'est. Oh non. Écoutez. Mais ces hommes se rassemblent maintenant par la volonté des hommes. Voilà la chose qui les éloigne davantage du premier amour. Au commencement, les églises naissaient par la volonté de Dieu. Naissaient par la pure parole de Dieu. Mais plus vous traînez dans le temps, les hommes conçoivent des projets et nous avons illustré vendredi un type d'aventurier là. Reçu son ami de classe d'enfance. Il était à court d'argent. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Il a des petits problèmes. Il n'y a qu'en église. Il aime toujours ce slogan là-bas. Alors, il aime mon salaire dans sa bonne monnaie. C'est un ami de classe du pasteur. Thomas. Mais il faut qu'on nous le Toko pesa oyo toko komema pour zamba pambo la biso. Batie sandoko wa. Batie bambongo après pona toma. Tango benda na biro, ça c'est le type lui-même qui raconte quand il est rentré au pays. Yemoko ko beta ka tanga zongi na mboka. Ah, ba église vraiment ça na makabwe. Ngai batali singa kuna pote. Et puis église il dit mbongo, ba pesa mbongo, bien pour qui? Na tika na zere poche. Ba zoka bole singa lui, omoni o ezamu kusiana ngai. Yangonde bi ciao. Alors, il y a besoin d'aider combien? Totalement, c'est beaucoup. Besoin d'aider autant, madame. Tu prends ça pour le billet, ça, argent de poche, au Itikali, c'est mon droit, les droits de mon onction. Pasteur a récupéré par Itikali, à Zindambo, après si mon nom est à Beau Jeunesse, à Bambi était l'apôtre Kakaboyé, après mon toit, à Zimbongo, à l'apôtre Kakaboyé, à Zongipen, à Mbouganaï, à Zobet Amasoro. Miséricorde. Voilà les églises, elles sont des églises. Par la Mangumba, elles sont des combats. Les gens se rassemblent par la volonté des hommes. Mais l'Éternel a dit que tout ce plan de mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Bako mama seki na bango, tika bango basi va vantir. Mokolo ezali. Na lobi, hein? Mokolo ezali. Amen. Jugement est oyate. Amen. Zambe akotika na bango bongo te. Ako sambi sabato mokili oyo. Surtout, bah, oyo, bah, komisande, ndaku na ye, na église na ye, bah, faire na ba magabura na bango. Dieu le frappera! Nanda kupecha bango. Le temps vient. Tango d'aller courir. Mais ces personnes se rassemblent maintenant par la volonté des hommes. D'aller courir sans la sasa et puis n'a zéla mokano na bato. Il y a des apôtres par la volonté des hommes. Comme les hommes sont venus n'a zéla mokano na bato. Donc ça s'est arrêté juste là, à l'assemblée, lors d'une visite. Ça vous il wana, y a pas de péché le jour wana. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Wana, vous malunga a dit apôtre pendant quelques heures dans une église où il est allé visiter, et après ça il n'est plus apôtre. La grande fonction que Dieu a placée dans l'église. On vient l'offrir gratuitement à une individu. Il y aura un jugement. Tout ce que vous faites au nom de Dieu dans l'église de Dieu, il y aura un jugement. Kolo liloba akosamba na ntina na ye moko. Akosambwisa baye basambwisa kombo na ye. Basambwisa makambo na ye. Mais ces personnes se rassemblent maintenant par la volonté des hommes. Vous voyez? Mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas parmi eux qui sont en ordre avec Dieu. Je ne dis absolument pas cela. Mais c'est que le feu originel s'est éteint. Ils ne sont plus pareils. Êtes-vous là? Les gens ont changé. Mais si nous voulons la bénédiction, nous voulons le salut, il y a une manière que Dieu a établie. Nous devons choisir la meilleure compagnie au monde. N'allez pas vous rassembler par la volonté des hommes. Dans des églises formées par la volonté des hommes. Rassemblons-nous là où il y a l'œuvre de Dieu. Hein? C'est vrai. Et c'est ce qu'il y a des fois des délicats. Dans la prédication, il y a maintenant ici plus que Salomon. Les six mars 1964. Paragraphe 84. Il n'y a pas dans le monde de meilleure compagnie. Ils à adopter. Qu'une église n'est de nouveau. Au bel église, c'est le bout de la Sika. Meilleure compagnie. Wana Sika Moussala et Malamu. Une église n'est de nouveau. Église, c'est le bout de la Sika. Pas de meilleure compagnie dans le monde adopté. Sika Moussala et Malamu, l'église, c'est qu'on les a dit. Une église n'est de nouveau. Au bel église, c'est le bout de la Sika. Pas une église rassemblée par la volonté des hommes. Pas une église façonnée, plantée par les hommes. La volonté de Dieu. Qui doit nous rassembler. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Il n'y a pas de, dans le monde de meilleure compagnie à adopter. Qu'est-ce que l'église n'est de nouveau. Remplis du Saint-Esprit. C'est là. Meilleure compagnie. Pour garder la meilleure parole. Pour être nourri de la meilleure parole. Il vous faut une église née de nouveau. Remplie du Saint-Esprit. Hein? Vous voyez que c'est ça le remède à tout ce que nous venons de faire. Vous dites, moi je veux la pure parole, garde-moi. Il faut qu'il y ait un cadre où tu peux entendre cette parole originale. Et la meilleure compagnie qui te faut, c'est l'église remplie du Saint-Esprit. Peu importe où elle se trouve. Qu'elle soit dans une ruelle ou n'importe où. Adopter cette compagnie. C'est la meilleure compagnie. C'est un groupe céleste. Remarqué des croyants qui croient en Dieu. C'est ce que je veux que ce groupe soit. Un groupe céleste. Non pas que terrestre, mais des citoyens des cieux comme Paul a dit. Un groupe céleste, remarquez bien, des croyants qui croyaient en Dieu. Des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, qui croyaient en Dieu. Je veux que nous soyons ça. Car pour commencer ici, c'était la parole. Et notre premier sujet, c'était celui qui garde la parole. Au commencement, était la parole. Tout ce que Dieu a créé, c'était par la parole. Nous voulons que la parole. Et nous aimons sa volonté. Meilleure compagnie adoptée. C'est une église née de nouveau. Elle ne peut pas naître de nouveau sans la parole originale. Il lui faut la pure parole pour naître de nouveau. Pure parole pour naître de nouveau. Êtes-vous là? Vous allez voir? Ça, nous aimons. La pure parole. Pour naître de nouveau. Ça, nous aimons tellement. Mais maintenant, si vous-même aussi vous arrivez à naître de nouveau, alors voilà que nous allons nous comprendre à ce moment-là. Je vais terminer en lisant ici. Dieu commissionnant Moïse. Du 3 juin 1953. Dieu commissionnant Moïse. Du 3 juin 1953. Alors, là, nous prenons le paragraphe 5. À 6. Dieu commissionna Moïse. Alors, quand Dieu envoya ce petit homme Moïse, il est né d'une naissance particulière, en un temps particulier. Alors Dieu les cacha. C'était l'élection de Dieu. Et l'appel de, voyez, envoyer Moïse là-bas. Moïse ne pouvait rien au fait d'être Moïse. Mais Dieu a préservé sa vie. C'était la prédestination et la volonté ordonnée d'avance. Et puis, quand finalement il a amené au désert presque les troupeaux de Jétro, après qu'il était devenu un meurtrier, puis un jour, Dieu lui parla dans un buisson ardent. Dieu lui dit, ôtez ses souliers. Dans le lieu sur lequel il s'était né, était une terre sainte. Et la manière dont Dieu a conduit cette église-là, dans le naturel, c'est un type parfait du spirituel. Vous voulez la meilleure compagnie, non? Parmi les éléments pour pouvoir mieux l'identifier. Prenez Moïse, un homme mandaté de Dieu. Dieu l'a envoyé dans la chambre de Dieu. Et Dieu a conduit Moïse pour conduire son peuple dans le naturel. C'était un type parfait de ce qu'il fait dans le spirituel du Nouveau Testament. Comme il est en train de conduire aujourd'hui. Il a fait sortir Israël, le naturel, par des signes, des prodiges et des miracles. Il fait sortir le spirituel en ces jours-ci, par des signes, des prodiges et des miracles. Dieu a toujours. Ils ont toujours accompagné Dieu. Les signes, les prodiges et les miracles. Ils ont toujours accompagné Dieu. Parce que Dieu est surnaturel. Et il est un créateur. Et rien ne lui est impossible. Le genre de compagnie qu'il nous faut être. Cette église n'est de nouveau. Elle doit être conduite comme ça. Par des signes, des prodiges et des miracles. N'est-ce pas? Ces choses doivent opérer. Elles ont déjà opéré. Elles doivent continuer à opérer. Vous y êtes? Les signes, les prodiges et des miracles. Croyez-vous ça? Dieu reste le même, il est surnaturel. Et rien ne lui est impossible. Mais Dieu agit toujours dans la simplicité. Il est avec nous. Le même Dieu de Moïse. Qui a parlé à Moïse. Et le même Dieu de Branham. Qui a parlé à Branham. C'est le même Dieu qui nous parle ici. Même chose. Rien de fabriqué. Aucun montage. Mais des choses authentiques. Ce que Dieu fait et qu'il fera. Vous y êtes? Rien ne lui est impossible, et il se change de poids. Et quand un homme naît de nouveau de l'Esprit de Dieu, il devient une progéniture ou un fils de Dieu. Et alors, il a le même genre de pensée que Dieu. Yopé, ce qui moto botami, botama yasika, a commandé kitani. To mwana na nzambe. Nzambe pa na bakoko te. Il faut koma kan kitani direct en nzambe. Et à ce moment-là, il y aura le même genre de pensée que Dieu. Des pensées justes. Des pensées de la vérité de la parole. La pensée qui était en Christ est en nous. Et nous croyons à l'invisible. Au miraculeux. Crois-tu à l'invisible? Et qu'il est miraculeux? Et donc, n'importe quoi que Dieu est, nous y croyons. Oui. Et alors, nous avons le Saint-Esprit qui apporte, qui vient à nous et nous parle de ces choses. C'est là tout le but de ces réunions. Chers frères chrétiens, nous nous rassemblons pas par la volonté des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui nous ont recrutés. Mais c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui nous conduit. Et le Saint-Esprit nous parle de ces choses. Les choses du royaume de Dieu. Chers frères chrétiens, c'est là tout le but de ces réunions. Ce n'est pas pour un autre but. Devant Dieu. Hein, ni promouvoir une tradition d'hommes. Ni collecter des offrandes et des choses comme ça. Ici, c'est la volonté de Dieu que nous voulons faire. Faisant tout d'après la parole. C'est vrai. Il n'y a pas, c'est pas pour une autre vie. Devant Dieu. Mais c'est afin que votre foi en Dieu soit stimulée. Et amenée à un point où vous croirez en lui pour le salut de votre âme. Et pour la guérison de votre corps. Amen. Ce que nous recherchons, c'est ça. C'est stimuler votre foi. Et des fois, il somnole, ces fois, il sommeille un peu, il est difficile. Nous sommes ici pour la stimuler. Pour conscientiser davantage. Pour radicaliser votre position. Radicaliser votre position de croyant. Votre oui soit oui. Et que votre non soit non, radicalisant votre position de foi. Vous aimez ça? Spiritualisez votre foi. Qu'elle ne soit pas là que dans la boue de la terre. Qu'il constitue autrefois des gains pour vous. Vous la considérez comme une perte, comme de la boue. Mais nous nous affectionnons aux choses d'avant. Vous allez connaître Mingi, ma cambali colo. Signe au prodige et au miracle. La bilembo du camo si penifanguya. Parce que Dieu est surnaturel. Il est invisible, nous le voyons. La cathédrale vous allez condimaye. Et nous voulons que notre foi s'élève jusqu'à lui. Et pour lui, condimana se tombe en matière par là-haut. À toi soit stimulé. Condimana le kimikama. Et amener à un niveau où tu dois expérimenter le salut de ton âme et la guérison de ton corps. Chaque fois qu'il le faudra. C'est amen. Amen. La meilleure compagnie. Une église née de nouveau. C'est la conclusion de notre pensée. La meilleure compagnie. Sika ya malamu wa musala. Une église née de nouveau. Église est née pour toi, malala sika. Choisis ça. Tona yango. Adopte cette compagnie là. Lima esika musala wana. Ne va pas te réunir n'importe où. Okende kosangala tete ki wapi. Ne va pas te rassembler à n'importe quoi. Kosangala tete ki na nini. Adopte une meilleure compagnie. Lima esika malamu wa musala. Que tu y ailles. Et pas là pour kenda. Regarde bien. Salam alamu. Il faut le signe. Et c'est le bilembo. Le prodige. Et salam wa kongwa. Et le kamusi. À la base. Il faut la pure parole. Et c'est le bilembo. Pas les traditions d'homme. Pas les interprétations. Au profit de ceci et de cela. Mais les saines paroles du Seigneur Jésus. Mais et quand vous viendrez consulter votre frère. Si vous avez besoin d'un conseil. À la base, Amoboko, demandez la loi. Tuna, Mobeko, demandez que dit la parole. Tuna, ilobailobi nini. Mais ne venez pas pour demander des avis. Kutuna, ti, lorenga, zel, kumona, des opinions. Makanisinae, des sentiments. Ki, ma, pour, sane, natina, li, kambuana. Nous allons former un folklore. Voilà, tu, kusala, mabine, abato. Mais nous voulons être cette meilleure compagnie. De la parole. Né de nouveau. Rempli du Saint-Esprit. L'esprit de vérité. Que Dieu vous bénisse. Concernant numéro 144. Plus blanc que la neige. Béni soit la fontaine des sons, nous rêvons au monde de pécheurs. Béni soit le cher fils des dieux, qui guérit par ses meurtrissures. Amen. L'évangile que nous venons d'entendre. Que toutes les tendances laodicéennes sont chassées. Le manque de position, l'indécision, l'hypocrisie, le compromis du péché, la légèreté, le mondanité même, du côté à côté, que tout cela s'éloigne. Amen. Prions chacun. C'est bon, il y a I'm Personne ne peut pécher sans avoir d'abord rejeté la bénédiction. Rejeté la parole. Rejeté les commandements de Dieu. Alors on se met à pécher. Transgressant les commandements de Dieu. Transgressant la vérité de Dieu. Violant les principes de la parole. Car Dieu brise l'incrédulité de ton cœur pour établir la foi originale, une foi prospère à l'image de Jésus-Christ, une foi surnaturelle croyant que Dieu est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Il peut nous sauver. Amen. Il peut nous libérer. Il peut nous guérir. Il peut nous changer. Il peut nous bénir. Il nous protège contre vagues de marée. Il nous délivre d'épreuves délicates. Il situations compliquées. Il frayera le chemin pour notre paix et notre joie. Dieu Tout-Puissant. Nous nous approchons de ton trône, heureux de le faire. Car auprès de toi se trouve Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Si nous n'avions pas de besoins, nous ne serions pas ici. Nous nous serions satisfaits de nous-mêmes. D'une manière ou d'une autre, nous débrouillons. Mais nous reconnaissons nos limites. Et nous reconnaissons tes capacités. Ta richesse infinie. Ta providence divine. Et c'est à elle que nous recourons. Car tu nous as appris que tu es le souverain serviteur de ton Fils. Tu peux être touché par nos infirmités. Dieu Tout-Puissant, roi du grand trône, surnaturel invincible, glorieux et saint, nous élevons ton nom, nous le glorifions, Père, nous l'appelons sur la scène, pour chaque âme nécessite, pour quiconque est en détresse, pour quiconque te désire, comme sauveur. Manifeste-toi. Agis encore, Seigneur. Et sauve les âmes. Exerce ton apostolat. Exerce ton discernement. Condamne nos ennemis. Toutes les puissances qui nous combattent. Poursuis les Seigneurs. Jusque dans leur dernier retranchement. Que cette semaine soit une semaine de victoire. Que chaque croyant gagne un glorieux pour toi. Que de nouveaux témoignages viennent. De nouvelles expériences avec Dieu. Nous les voulons, nous les réclamons. Ne vient pas de nous. Toi qui produis les bonnes choses. Toi le souverain des cieux. Nous exauce chacun de nous. Et garde-nous dans ta victoire. Dans ta pure parole. Aide-nous cette meilleure compagnie. Aide-nous. Donne-nous le vrai discernement. Ça, la meilleure compréhension de la spirituelle. Pour détester les choses du monde. Et nous attacher aux choses d'en haut. Et chaque jour nous voulions ta volonté. Nous fassions ce que tu veux. Honore-nous Seigneur. Honore notre foi. Dans le merveilleux nom de Jésus. Guéris tous les malades. Amen. Absent et présent. Ils ont foi en toi, Dieu. Simule leur foi. Pour expérimenter la totale guérison. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui éprouvent des douleurs d'une manière. Dans les corps. Et tant ta main est guérie. Tu avais promis que la douleur s'enfuira. Nous ordonnons à la douleur de quitter le corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Douleur, va-t'en. De tous les corps où tu as trouvé domicile. Là où tu es venu t'imposer. Nous ordonnons de quitter. Car tu n'as pas autorité sur nos corps. Tu n'es qu'un bluffeur. Un parasite. Vous allez voter le mot quand même. Sans droit ni autorité. Vous allez voter le mot quand même. Sans autorité sur Christ. Sans autorité sur Père. Papa. Tu es notre gardien. Vous allez me battre, mon ami. Quand les démons tenteront encore. Quand les démons ne vont pas combattre les fous. Nous nous réfugions en toi pour la sécurité. Nous sommes au vers le pain et nous allons combattre. Protège mon frère. Attendez qu'on en parle. Protège ma soeur. Pour que sa situation ne s'empire. Pour que la vie ne meilleure dans la vie. Parce que nous sommes là où au nom de Jésus-Christ, nous prions maintenant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Au nom de Jésus-Christ.